If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want to... Leonard Cohen cherchait notre homme. Et nous l'avons ici, notre homme. C'est qui, c'est? Jean-Jacques Hamon, exactement. Bravo. Il n'y a pas de morceau de robot, là. C'était une question sans trop de ruissellement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas non plus à offrir des prix, à ruisseler, tomber de du haut. Mon Jacqueline, quand ça tombe pas du bas. Mais quand je tombe en bas. Avec quoi? Avec mes bas. OK. Alors donc, la météo, c'est pas mes bas, c'est météo. Oh là là! Ça commence très fort. On sait pas là, si... est-ce que ça va aller aussi dans l'élévation la plus... au plus haut niveau? Au zénith? Là, j'ai eu une question existentielle, comme il peut nous en arriver quelquefois, surtout plus il est tard dans la nuit, plus les gens essayent de se la compliquer. Hein? Je ne sais pas si c'est la noirceur là, qui fait en sorte là, qu'on se la creuse. Là. On a une petite noix, là, puis ça ronge. Là, on cherche des idées noires ou des idées qui tiennent très peu le coup le jour. Parce que tu te reposes la même question à midi. La même journée, parce que si exactement aujourd'hui, à cette heure précise, il est minuit 12. Alors, nous sommes le vendredi 12. Le vendredi 12, qu'est-ce que tu dis là? Nous sommes le vendredi 14 septembre. Donc, on broie du noir. Là, c'est l'heure, là, Mme Thibodeau. Attendez, là, comment je mets ça? Vous avez votre Moulinex. Non, c'est pas une marque, c'est une marque, ça? Une marque, non, c'est pas marque, c'est Moulinex. Moulinex, ben oui, mais c'est une marque déposée. Déposée. Déposez votre hachoir à café, là, s'il vous plaît. Ben, dites pas de marque, là. OK. Mais Marc, peux-tu y déposer? Parce que moi, là, je crois que ça va y faire un chapeau. Oh, vous voulez lui orner la tête? Non, lui moudre. Lui moudre la noix. Non, elle veut mes... Non, je crois que c'est mademoiselle qui veut mes tranchées menu. Alors là, comme je le disais, avant de m'interrompre moi-même puis de m'envaser dans... Comment t'appelles ça? De la terre glaise, non? De la... Vous savez, dans le désert, là, il y a la... Oui, puis on descend tranquillement, là. Oh oui, du sable émouvant. Du sable émouvant. Avant de m'atteindre dans le sable émouvant et de me voir que la tête et CNN arrivaient pour me photographier en train de mourir... Vos dernières impressions. J'étouffe. Pouvez-vous m'aider? Non, on vous filme. Crevez, on vous filme. Oh, oh. Et avant qu'on me filme à ce moment précis, de la fin de ma propre vie, qui n'est pas très, très propre depuis quelques années. Oh, mon Dieu. Ouais. Je tombe dans le stup et la pénalité. Comment ça? Oh. Ça a commencé à Pigalle. Oui. Ça s'est poursuivi à Limoilou. Oh! Et ça, ensuite, à chaque année, ça se retourne à Pigalle. Oh! Et ça revient à Limoilou. Oh! Alors là, c'est ça. En parlant de noix, tu sais, on se la creuse, la noisette, là, la nuit. Puis là, le jour, là, exemple, midi, comme je le disais tout à l'heure, quand il fait clair, on se dit, voyons donc, pourquoi ça me tracassait? Là? Parce qu'il faisait pas clair. Autant dans ta tête. Autant à l'extérieur. Hein? C'est pour ça qu'il faut allumer toutes les lumières à cette heure-ci, là. Allumez toutes vos lumières, madame. Ah, mais ouais, dans la noirceur, c'est bien mieux, cette émission-là. Non. Non, parce qu'ils vont entendre des ricanements ou des cris de « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis si les voisins entendent, puis ne voient pas de lumière, ils vont penser que vous vous faites attaquer. Mais on peut se faire attaquer la lumière allumée. Ah, c'est vrai, ça. On va demander à l'agent Bumbray. Bumbray? Oui. Bumbray? Oui. Vous êtes un agent? Non, je suis un con. un constable à la retraite. Oh, vous êtes... Je regarde le temps passer. Et puis? C'est long, hein? 60 secondes, là, sans respirer. Ouais, non, mais à part de ça... Oh, je respire un peu aussi à travers ça, là. Hein? Oui, OK, ensuite? Bien, c'est ça, là, vous m'avez appelé. Ben, c'est vrai, on l'a appelé. Pourquoi on l'a appelé, donc? C'est pour la noisette. Oh, la noisette. Alors, comment c'est ça? Non, on continue. C'est la mère. OK, oui, c'est ça. On se la cause-tu pour des phrases insignifiantes? Puis là, actuellement, j'ai le cœur qui veut me sortir du corps. Hey, boisson énergisante sur boisson énergisante. J'énergise et puis bon, c'est indiqué sur la petite canette, hein? Augmente l'acuité intellectuelle. Augmente l'acuité intellectuelle. Ça fait 6 gallons que je bois, puis on dirait que je suis pas plus brillant. Ça voit pas l'émission. Je serais pas coté là-dessus, moi, là. Mmh. Ça ira pas en bourse, les rentrées canadiennes, là, ce soir. Là. Si oui, c'est comme Facebook, ça va perdre un peu de... ça va aussi faire avoir, hein? Comment vous avez mis, vous? Ben, moi, j'ai mis 2 cents sur Facebook, là. Je suis rendu à 1/4 de cent. Oh, mon Dieu! J'aurais pu mettre ça dans le steak haché puis faire 1/4 de livre. Un bon hamburger, 1/4 de livre, hein? Les hamburgers. Pas trop cuit, l'hamburger. Ça reste juteux, hein? Quand tu cuis, c'est la semelle de botte. Alors, là... La phrase qu'on m'a envoyée, là, existentielle pour cette personne, que je nommerai pas, Maryse Lemieux. Alors, qui j'ai dit? Hein? Non, c'est l'inconscient qui a parlé. Mais non, c'est Maryse Lemieux qui t'a envoyé. Elle lâche-moi ça, toi, là. Elle va m'actionner, là. Elle peut pas t'actionner. Pourquoi? Elle est imaginaire. Oh. Alors, la mère salée, à quand le père salé? Alors, je répète la question, hein? La mère salée, à quand le père salé? Là, je voudrais dire à cet énergumène louche, quand on parle de mère salée, là, c'est pas la mère M-E-A-X-A-G-A-R-E, là. C'est la mère M-E-R, l'eau. Je sais pas si vous avez déjà connu, vous, Charles Menet, Charles Cochon, non, c'est Charles Trenet, Charles Trenet. La mère qu'on voit danser le long mais c'est cette mère-là. C'est pas la mère, là. Qui s'occupe de ses enfants, donne le sein à son mari et fait nourrir ses enfants par le père avec des petits biberons, non pas extraits par le sein maternel, mais par la vache laitière. On remercie les vaches laitières, hein, qui nous ont nourri toute notre existence, nous, hein? Et des années, mouchonnant en 82. En 82, les femmes, se faisaient pas, ou très rarement, là. Si oui, envoyez-moi un courriel à rénalquebec@commercial.com. Je veux voir des photos, moi, là. Faut que ce soit autographié, là. Faut que ce soit indiqué comme le Polaroid. Polaroid, là, c'était indiqué en haut, là, la date, l'heure, puis le moment précis. Puis faites pas de montage Facebook. Non, c'est pas Facebook, c'est photo moche. Photo moche, parce que moi, la photo moche, je reconnais ça. J'ai acheté des nouvelles lunettes. Je vois à travers toutes les fausses photos. Et on m'en passe pas des cartes frelatées. Hein, fait frelatées? Faites main par des pirates, non pas de l'air, mais des pirates maboules. Et je repère ça, moi, tout ce qui est étrange venu d'ailleurs. J'en suis un mec étrange venu d'ailleurs. On m'en passe pas. On nous a placé une puce, nous, dans le front. Non, pas dans les cheveux. Les puces, non, ça ose même plus monter là-dessus. Moi, je voulais avoir le cheveu gros au début de moi. au début des années 90, mais là, vous savez qu'il est venu à la mode le vaporisateur capillaire. Pour placer le cheveu bien sec. Je sais, les années 50, c'était graisse-moi ça, puis dans les années, fin des années 80, c'est sèche-moi ça, cette affaire-là. Là, ça s'égrenait tellement, là, tu passais la main, c'était sec. Tellement sec. Alors là, je voudrais revenir à Mme Chose qui m'a dit la mère salée, à quand le père salé? Bien, le père salé ne viendra jamais. Parce que c'est pas un cours d'eau. Bon, religieux, le père salé, quoi que... Avez-vous connu, madame, le père salé? Non? Le père... Oui? Oh, c'est... Êtes-vous le père salé, monsieur? Monsieur, êtes-vous le père salé? Pas l'air certain, lui. Un autre indécis, ça doit être un Québec. Êtes-vous... Allez-vous voter, monsieur? Ah, vous avez voté. Regarde-moi ce que ça donne. Regarde-moi qu'est-ce que ça donne. L'anarchie. Alors non, ça arrivera jamais parce que mère salée n'est pas mère de tous les enfants. Quoique l'eau qui nous amène à l'abreuvoir est la mère de toute existence. Hey, c'est beau. Merci, monsieur le président. Hey, c'est pas mal. Hein? Prends ça en note. Là. Prends ça en note. Prends ça en note. Monsieur le président, pas de crayon. Mais j'ai un crayon dans le banc. Dans les, entre les doigts. Bon. Papier. Mais un petit papier. Pas papier. J'ai... Non, papier. Voilà. Et écrivez, mon cher monsieur. Je ne commettrai point de délit dans aucun délit. Hein, délit. Cocu, je ne serai point. Sur la gueule, le recevrai. Point. Si un jour, je fais ce délit. Je comprends rien, hein? Il est bouché. Monsieur le Président, monsieur les bouchons, les bouchers, les bouchettes, les touchettes, touche. C'est pas le temps. Monsieur le Président, oui, on l'a dit. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, monsieur Touchet. Bon, laissez tranquille. Madame les voluptés, et vous, cher président et résidente imputée, qui s'en passe-tu des affaires ce soir, là? Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. C'est beaucoup, madame. Vous, monsieur, la... Non? Bienvenue... Oui. Merci. J'aime ça, un gars de même. Là. Un garçon comme ça, là, ça met de l'ambiance. Bienvenue à la douce Reynaldité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, avec votre Qu'est-ce que tu voulais dire? Court-circuiteur de réalisme. Reynald le néant gagné. Hey, on l'a comme senti pour traverser. C'est comme l'éclair. C'était pas si clair que ça. C'était un éclair sombre. Un éclair lugubre. Un éclair gothique. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Je mets rouge, moi, là. Ben oui, ça doit être ton 28-11 de boisson énergisante, énergifichante. Fiché. On va te l'afficher, la tête. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention! Attention, mademoiselle. Madame. Tantine, tanton, pampon, pampi, pampon, pampon. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Ça, c'est les gens qui sont en haut, là, pas en bas. En bas, là. On marche dessus. On les dérange. Faut pas trop... parce qu'ils peuvent être très mauvais. Si vous trouvez qu'un cyclone, c'est mauvais, là, un intraterrestre, là, pas facile. Qui viendront vous chercher, pas les intras, les extras. En haut. Regarde en haut. C'est en haut. Hey, les voyez-vous? Monsieur, les voyez-vous? Oh! Êtes-vous coincé? OK, vous êtes où? OK, on va aller vous chercher. Vous êtes au coin de la 3? Puis de la 4? La 4? Ils viennent vous chercher, vous, là? Pouvez-vous attendre quelques secondes? Est-ce que vous pouvez nous le passer? Hey, les nerfs, toi, là? Ça, c'est un SOS, hein? Calmez-vous, monsieur. Non. Attention! Vous voulez faire attention, monsieur? Ah, OK. Facebook veut manipuler vos informations. Vous savez ce que ça veut dire, manipuler? Ah. Quand votre voyant veut vous manipuler la boule magique. En avez-vous une boule magique, vous? Non. Ça, c'est étrange, hein? Je sais pas ce qu'il voit là-dedans. Moi, je suis devant ça, là, puis... C'est rond. C'est sphérique. J'ai dit, on dirait comme... C'est comme la planète, hein? La planète n'est pas vraiment ronde, c'est comme une patate. Saviez-vous ça, que c'est comme une patate? Non, il y a un petit Joe connaissant encore. Est-ce que vous sentez... Croyez-vous qu'on vous montre, là? Oh, ça, c'est le grand-père du monsieur excité, là? OK, c'est votre fils, ça, là, qui est à... Comment il va, lui? Il va bien? Oui. Il va se faire enlever par les intraterrestres ou les extras? Les extras, je crois, hein? Oui. OK. Dans quoi? Avant la fin de l'émission? Oui. Excellent. Ça, ça fait une bonne pub pour l'émission. Errance Renadienne, en plein 120 minutes, un homme se fait enlever par... J'aime ça. Alors là, on va manipuler Monsieur Grand-Papa. Vous êtes Grand-Papa, vous? Oui. Vous avez même la voix du Grand-Papa. Hein, on les aime-tu, nos Grand-Papa? Grand-Papa, oui, je... Grand-Papa et d'autres. Manipuler vos informations, là, ça veut dire, mon cher monsieur, c'est comme si on touchait votre linge, on le manipulait. C'est personnel du linge, hein? Oui. Non. Pour les divulguer, pas votre linge, là, parce qu'on veut pas divulguer votre linge, parce que votre grandeur de... Tiens, vos grandeurs de pantalon, mon cher monsieur, 37. Vous avez descendu à 32, maintenant vous êtes rendu à 28. Mangez-vous bien, vous me... Là, du lait, pour vous, c'est bien important. Hein? Rendu à 75 ans et plus, là, c'est pour les os. Faut pas que ça casse, ces os-là. Là. Vous cassez déjà la tête à écouter mon émission. Deux aspirines avant. Trois aspirines après. Puis de l'eau de source. Moi, je vous conseille l'eau du robinet parce que le chlore, là, ça rafraîchit les dents. Okay. Manipuler, divulguer, extraterrestres viendront chercher édité, entité à volonté. Ah, entité, ton petit, entité à volonté. L'absurde aventure, on l'a ici, l'absurde. La feuille est tournée à l'envers, c'est un message. C'est un message. Je sais pas quel message, là, mais c'est. On a le message sur répondeur. Bon, OK. Est-ce qu'on peut faire entendre le. Oui, retournez. Ben, ça clignote une fois, allez-y donc. Je reviendrai. C'est bien ça, laisser juste ça sur le répondeur, je reviendrai. C'est qui? C'est Jean-Luc? C'est Rita? C'est pas Rita? C'est pas une voix de femme, ça? Je reviendrai. Ça doit être Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. On dirait pas que c'est, hein? C'est pas sa voix. Je reviendrai. C'est pas sa voix, ça. Un imitateur de Robert Charlebois qui l'a pas, hein? Qui n'a pas atteint la qualité sonore ou la qualité vocale. Ça arrive-tu, hein? Moi-même, là, je peux même pas m'imiter moi-même. M'imiter moi-même. Pas capable. C'est la mise en abîme. Là. Quand tu te regardes dans un miroir, avec le miroir, et tu vois le miroir, et tu te vois le miroir, tu te vois le miroir, tu te vois le miroir, tu vois pas le miroir, mais tu vois le miroir qui te regarde, et c'est malade, ça! Ça fait peur, ça. C'est pire qu'en haut puis en bas, qui viennent te chercher en même temps. Ça t'étire les membres, là, en haut puis en bas, mais... comme l'homme élastique. Ben, monsieur, vous êtes... Je reviendrai, mais oui, tu reviendras. Fais comme tout le monde, tu reviendras. Amène-en des promesses. Hein, quand on doit s'impliquer dans quelque chose, tu l'entends, le gars qui dit ça. Je reviendrai. Ben oui, c'est ça, je reviendrai. Et moi, j'ai appelé là, il y a quelques mois là, des gens pour le Radioton de CKRL. Voulez-vous faire co-animer avec moi? Là, ils sont rentrés, ils m'ont vu puis ils m'ont dit... Je reviendrai. C'est ça. Encore pire, je descendais les marches. J'allais ouvrir la porte de CKRL. J'avais invité quatre demoiselles. Là, elles m'ont dit... Je reviendrai. Trois chanteurs, western. Quatre chevaux, il y a à la station de CKRL, avant d'entrer. À manger du foin, j'avais sorti mes 100 piastres. Les cowboys m'ont vu, ils m'ont dit... John Wayne s'est retourné, puis... On m'a même pas regardé. Les vedettes, hein? C'est insignifiant, ces vedettes-là. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pit qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant l'engagé, Renan le gagne. C'est moi, ça. Moi, je reviendrai pas. Moi, je suis ici, je reste ici. Je colle. Moi, je suis un autocollant. Ça se voit, hein? Ça s'entend plutôt. Il veut pas décoller. Ça fait déjà 20 minutes qu'il nous colle ça dans les oreilles. 30 minutes. Aujourd'hui, le vendredi 14 septembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur-comédien Marcel Amont. Quand j'ai rencontré Marcel Amont, là, il m'a pas dit « je reviendrai ». Il m'a dit « viens avec moi dans ma voiture, puisque je ne peux pas me stationner, je n'ai pas de vignette de stationnement. Pouvons-nous la faire, cette merveilleuse émission, à bord du véhicule de mon fils Mathieu? » Moi, je lui ai rétorqué « pourquoi pas ?» Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça la petite histoire derrière la grande histoire. Ça, c'est, on vous raconte là, derrière la scène. Là. Vous savez, il y a un chanteur avant de monter là, sur les planches. Vous divertir. Il se passe des trucs, là. Normalement, c'est dans les bonus DVD. Hein? On se retrouve ça, là. Même c'est caché, là. Tu vas passer une hirondelle, tu cliques dessus, puis c'est une bonus. Hein? Moi, je viens de vous dire le bonus. C'est la dernière rencontre avec Marcel Amont. Ça sera pas facile. Encore un veuvage. Parlant de vache, veuvage. J'y vais rapidement. Là. Attention, c'est Marcel Amont. C'est moi le parle à qui, là? C'est un monsieur connu et reconnu dans tout le show business francophone et même de toutes les frontières de la musique et du musical. Marcel Amont, de son vrai nom Marcel Jean-Pierre Balthazar Miramont, né le 1er avril 1929 à Bordeaux, et croyez-moi, il connaît le vin, est un chanteur et acteur français qui connut un succès considérable durant les années 60-70. En 56, il sort son premier album. En 62, il se produit 100 jours de suite à Bobino. Il crée plusieurs chansons signées par Claude Nougaro. Il fait la première partie de la grande Édith Piaf. En 70, il se produit à l'Olympia dans un vrai one-man show avec des danseuses et des cascades et des grands succès de son répertoire. Marcel Amont se réfugie dans les années un peu plus tranquilles de son existence, c'est-à-dire les années fin des années 80. Il publie deux livres qui s'intitulent « Sur le boulevard du temps qui passe », premier tome et deuxième tome. En 2010, il fait une chanson avec Alain Delon et place la voix de Emma Domas sur la même chanson. En 2012, Errance Rénaldienne se trouvait à Paris pour rencontrer ce grand monsieur de la chanson. Un voyage chargé pour cette nuit estival, faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? S'il vous plaît. Vamos a cantar la canción del mexicano. Con el sombrero, un mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil. C'est formidable aujourd'hui ce que j'y sommeille. L'existence est un problème, on n'en peut finir. Chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Il vaut mieux dormir. Rien que trouver à manger, ce n'est pourtant là qu'un détail. Mais ça suffirait à pousser un homme au travail. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai une soif du tonnerre, il faudrait trouver un gars pour jouer un verre en trois coups de dés. Je ne vois que des fauchés tout autour de moi, et d'ailleurs ils ont l'air de tricher aussi bien que moi. Et pourtant j'ai le gosier comme du buvard, ça m'arrangerait bougrement s'il pouvait pleuvoir. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol. Oui, oui, oui, oui. ainsi venir Cristobal, mon Dieu qu'il est fier. C'est vrai qu'il n'est général que depuis hier. Quand il aura terminé sa révolution, nous pourrons continuer tous les deux la conversation. Il est mon meilleur ami, j'ai parié sur lui 10 pesos. Et s'il est battu, je n'ai plus qu'à leur dire adios. On voit partout des soldats courant dans les rues. Si vous ne vous garez pas, ils vous marchent dessus. Et le matin, quel boucan, sacré nom de nom, ce qu'ils sont agaçants, énervants, avec leurs canons. Ça devrait être interdit, un chahut pareil à midi, quand il y a des gens sapristi qui ont en sommeil. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. C'est-à-dire que, ou alors je dois très mal me démerder, mais enfin bon. Mais vous avez un tourneur qui travaille pour vous, vous avez quelqu'un oui, qui... Oui, ah, mais c'est-à-dire, moi, comme je suis connu, on m'aime pas, ceux qui m'aiment pas, oui. Vraiment, ben, vous êtes reconnu. Ceux qui... Oui, moi, ils savent de qui il s'agit, ils savent que je... Ce téléphone, enfin, comment ça marchait avant? Et je travaille comme ça, d'une façon suffisante, c'est-à-dire tous les petits agents, petits et moins petits, j'ai fait la tournée à Stendre aussi, j'ai fait... Oui, oui, ben Didier Ouvrard, est-ce que vous connaissez Didier Ouvrard? Non. Didier Ouvrard, c'est celui qui fait la présentation des... Ah, ben j'en ai entendu parler, parce qu'ils sont venus au Québec, là, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'était avec un autre, oui, effectivement. Oui. Enfin, bon, je travaille. Okay. Je travaille, mais là, il y a des projets plus ambitieux à partir de cet Alhambra. Ben oui. Il envisage par échelon de bon, et... Vous allez reprendre vos chansons de l'époque Ah, mais c'est-à-dire, j'ai toujours les chansons anciennes. Si je chante Pablo Blanc Blanc Mexicain, les gens... Ben, les gens attendent. Les gens sont oui. pas contents. Oui. Bon, je les comprends. Oui. Et puis, je vais pas cracher dans ma soupe, quand même. Je mets des nouvelles chansons. Des chansons... Des nouvelles chansons? Ah oui, j'en ai des paquets, oui. Okay. Y compris des chansons qui ont 20 ans et 25 ans, mais que je passe jamais à la télé. Parce que si je les passe à la télé, vraiment, on la connaît. Okay. Par exemple, j'ai une chanson où je dis que la chanson anglo-saxonne a pris toute la place. Et je dis, je vous chante une chanson des cow-boys, mais avec la traduction simultanée et avec l'accent de mon père. C'est là où je reprends. Ah oui, voilà. Et je fais ça, j'ai un chapeau de cow-boy et un béret. « I'm the cowboy of the Black Mountain. » Je suis le vacher de la montagne noire. « I'm the cowboy of the Black Mountain. » Je suis le vacher de ma montagne noire. « My heart is cheerful and I sing my song again. » Je suis content, je chante, etc. Les gens sont pliés en deux, mais ça a 25 ans. Mais le public se renouvelle également. Vous avez pas juste oui. les gens qui vous ont connu à l'époque. Il y a des nouveaux... Ça a été ma grande joie, puisque je suis grand-père, ma petite-fille a 24 ans, ma fille en a plus de 50, mais j'ai des enfants plus jeunes, j'ai deux enfants de 32 et 30, ils ont amené leurs copains, puis j'ai souvent vu des jeunes, ils me découvrent, ils disent « Ah bon, mais on croyait que vous chantiez bleu, blanc, blanc, mexicain, point final. On ne savait pas que vous fassiez tout ça. » Ça me fait, non pas que je sois... que je méprise du tout les gens de ma génération. Non, non. Je suis très content qu'il y ait trois générations. C'est bien aussi de plaire à tout le monde. Hein? Il y a trois générations. Oui. Ça, c'est, voilà. Oui, alors, au spectacle que vous allez présenter bientôt, vous allez voir toutes sortes de... Voilà. J'ai fait d'ailleurs la Grande Comédie pendant 15 jours, à la Grande Comédie oui. avec Clichy. Oui. 15 jours avec tout public. Est-ce que vous allez danser? Est-ce que vous allez... La mise en scène... Je saute pas par-dessus les chaises. Non, non, faut pas. Si, je saute par-dessus les chaises, mais okay. elles sont de plus en plus basses. Ah, je pensais qu'elles étaient virtuelles dans votre tête, donc c'est plus facile. Mais j'ai 10 questions. Dites-moi. Et vous pouvez y réfléchir si vous étiez un liquide. Comment? Si je... OK, si vous étiez un liquide. Si vous étiez un liquide. J'ai 10 questions fondamentales que vous pouvez... Je comprenais pas. Ah non, oui, vous si pouvez... Si j'étais un liquide. Un bon vin de Bordeaux. Okay. Puisque j'ai une expression un peu... Lequel? Bordeaux, Ah ben, un bon vin de Bordeaux, n'importe, presque dans laquelle, parmi les grands crus, prenons pas. Oh oui, bah oui. Ou alors, un Jurançon blanc, puisque ça, c'est mon côté béarnais. Est-ce que vous connaissez Éric Vincent? C'est un nom qui me dit quelque chose. Chanteur français, qui reste tout près d'ici, et qui m'a parlé de vous l'année dernière, c'est pour ça que... Vous savez qui est un grand œnologue? Allez. Gilles Vigneault. Oui, ben oui, oui. Il est très connaisseur, plus que moi. Ah oui, c'est un grand... Chez le docteur, mais je vais à la pharmacie pour tenir debout. Il faut que je pleure pour pouvoir m'endormir. Je me pose sans doute trop de questions, surtout. Je me trouve toujours un problème pour souffrir. Je suis le centre du monde, sans de mon tes émitages. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde, sans de mon tes émitages. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde. Ne cherche rien d'autre qu'à se rassurer en moi. Que si ton dote, que le cinéma, qu'il se fond, que le goût de sourire qui s'arrache de moi. Je devrais tout savoir d'eux, mais je ne connais que leur égoïsme contre le mien. Ils écrivent sur mon cœur comme des graffitis sur un mur, qui ne leur répond pas, qui ne leur donne rien. Je suis le centre du monde, sans de mon étage. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde, sans de mon étage. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde. C'est pas de ma faute à moi, mon papa. Si je me prends pour le centre du monde, c'est pas de ma faute à moi. Tout ça, si à chaque minute ma tête fabrique une bombe. Le dernier enfant trouve tout inutile à l'aube de la dernière des guerres. Mais peut-être je suis dans l'erreur. Le dernier enfant peut-il encore espérer une guerre? Le centre du monde, sans de mon deuxième étage. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde, sans de mon deuxième étage. Je suis la roue qui tourne dans le vide. Centre du monde. Centre du monde. Centre du monde. on s'en fiche pas, mon Jean-Louis. Jamais on n'oserait s'en ficher parce qu'ici, à Errance Renaldienne, on écoute. On écoute. Merci. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin. Oui. Oui, monsieur? Non, c'est une voix étrange. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil. Contes et nouvelles. C'est comme... Il n'y a pas de... Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui? OK. Ouais, mais... OK. Alicia me dit OK. Merci, Alicia. Parfait. Il n'y en a aucun problème. Non, on est parti. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et nouvelles. Ça, c'est Bukowski, là. Faut suivre, là, madame. Arrêtez de prendre des notes. C'est compliqué, cette émission-là. Non, oui. Mais abandonnez tout. Abandonnez tout. Même votre mari, votre chaise. Couchez-vous par terre sur le sol. Laissez-vous vibrer. Prenez pas... Non. Prenez pas votre... Aucun vibro... Naturellement. On inspire. On expire. On inspire. On tient notre... Pendant 2 minutes et demie. OK? On le tient pendant 2 minutes et demie. On y va. C'est une blague. Faites pas ça, madame. Vous êtes pris du... Vous allez nous... Bon, une autre va nous quitter. C'est pas vrai. Respirez, madame. Par les oreilles. Dégonflez-la. Ouais. Ouvrez-lui. Bon, OK, parfait. J'ai eu peur, moi, là. Hey! Les informations allaient parler de nous le lendemain matin, là. Une dame est morte suite à une émission radiophonique diffusée sur la station communautaire à Québec, la plus vieille radio francophone communautaire au monde, CKRLMF, le 89.1. L'animateur Reynald Gagné, nous disons bien Reynald Gagné, n'a pas gagné sa chance hier, puisque une dame est morte suite à une expérience que l'animateur a voulu faire en blague en direct. Nous avons ici notre reporter Didier Leewood. Ben, nous étions ici en direct à Sécoirel. Ben, c'est pas Sécoirel, c'est à côté Sécoirel. Ouais. Ben, on est 3 voitures de l'information en direct québécoise se sont rassemblées autour de la station Sécoirel. Le directeur général, Tony Fortin, est venu expliquer à nous, journalistes, qui avions le crayon au doigt et l'arme à l'œil, que ça ne se passait pas à la station de radio CKRL. Mais nous lui avons dit que ce que nous avons entendu, c'était à CKRL. Mais M. Fortin a rétorqué, oui, mais cet animateur-là ne fait pas cette émission en direct. Choqué par ce que nous avons entendu, nous avons demandé à M. Fortin l'adresse de l'animateur vedette de CKRL. Vedette? L'animateur. Animateur? Mais ben, Monsieur? Chose, la chose de CKRL. Nous avons... Non, c'est l'animal. L'animal de CKRL. Merci. Sauve-moi ça. L'animal. OK, l'animal, on le sait. L'animal de CKRL. Il nous a envoyé dans la haute ville de Québec, tout près des remparts de Québec, près du fleuve... Sans doute endroit où l'homme, l'animateur, l'animal voulait se tirer après son grave, sa grave initiative de tenir la respiration de Madame 3 points de suspension. Nous ne pouvons pas divulguer son nom actuellement, puisque les proches n'ont pas été avisés. Même les loin, les proches, les moyens, là, on ne sait pas. Là. Les gens autour n'ont pas été, même si elle émane elle-même d'une senteur assez extraordinairement indescriptible. Ça sent quoi? Ça sent Mme Thibodeau. Ça sent la Mme Thibodeau. On le dit, Mme Thibodeau. OK. Alors, l'animateur dit que tout ça était une supercherie, de la publicité gratuite, quoique ça nous a coûté combien? En essence, 350 $, puisque nous étions trois voitures, un hélicoptère et une fusée qui allait atterrir sur son domaine de la rue Sainte-Manille. Sainte-Vanille. Sainte-Vanille, dans le Vieux-Québec, pour ainsi prendre possession de l'enregistrement de cette journée fatiguée, hein? Il devrait se coucher, qui se couchera dans quelques minutes en prison. Alors, ici Bukowski, à vous les antennes de CKRL. Hey, c'est bon, hein? On n'a rien compris, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'était comme un flash dans ma tête. Aïe, non, ferme pas la lumière, là. Alors, la première phrase du Bukowski. Hey, c'était bon, ça, là? C'était quoi? C'est improvisation. OK, ça va bien? Ça va bien. OK. Alors, quand j'ai sonné, il en était à sucessesse. Et combien sucessesse? Eh bien, riseise maintenant. Non. Quand j'ai sonné, il en était à son septième ou huitième bière, à sa huitième bière. Voyons donc! Arrête de déboucher les mots. Jeannie va sortir. Nous recommençons. Pour la dernière fois. Avant de faire patate devant notre auditoire en pleurs. Quand j'ai sonné, ça va bien. Jusqu'ici, là, quand j'ai sonné, le ding-dong, on entend la sonnette, c'est merveilleux. Monsieur Gagnon, on vous applaudit, on vous embrasse. Bon. Il en était à sa septième ou huitième bière. Là, je tiens à souligner à nos auditeurs, auditrices, que j'ai écrit moi-même le texte. J'ai retranscrit extrait du recueil de Bukowski, Contes et Nouvelles, à la main. Donc, j'ai écrit très mal, la preuve. Hein? Comme un médecin, de la misère à me relire. Moi, j'ai dit trois antibiotiques aux 12 heures. Continuez jusqu'à ce que la double vélette, jusqu'à la double visée, comment doubler la mise. Si vous vous endormez à long terme, nous en excusons. C'est bizarre comme posologie, hein, mais c'est ça. L'erreur est humaine, même pour un médecin. OK, ah ouais, vas-y, lire. Je vais le lire. OK, je suis pas un médecin, moi, là. Je suis un charlatan. Y a-tu des médecins? Non, mais tout pas de. Il veut nous mettre dans le trouble à soir, lui. Tout le monde est compétent ici, sauf l'animateur de cette heure-ci. Quand j'ai sonné, il en était à sa septième ou huitième bière, et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. C'était avant, dans le frigo. Je suis tombé par terre, moi, là, la bédaine dans l'eau. Quand Gaétan m'a dit, c'est pas de l'eau. J'ai dit, c'est quoi? C'est de la bière, mêlée avec d'autres choses. D'autres choses, c'est quoi? De la broue de bière. De la broue de bière? De la broue de bière. Qu'est-ce que c'est, de la broue de bière? Ça n'existe pas, de la broue de bière, là. On dit que c'est du malt. Malt? Malcomix? Non, c'est du malt, pas Malcomix. Ça n'a rien à voir avec le pauvre homme. De la bière, c'est du malt. Oui, de la malt. Va donc voir si on n'a pas de courrier. Oui. Avons-nous du courrier, monsieur? Oui, oui. On appelle si on a Mona. Est-ce qu'on. En avons-nous, Mona? Oui, nous. Oui. Hey, là, ça. J'attends une lettre, moi, là, du Père Noël. Je m'y prends un petit peu avant parce que, ouais, 3 mois, c'est pas. Non, c'est jamais trop. Septembre, attends un peu. Septembre, octobre, novembre, décembre. 3 mois. Ce que je veux, là, ça demande une grande fabrication, là, tu sais, des intelligences suprêmes pour me faire ce que je demande. C'est à la réplique près. Pas une ébauche, là, pas un brouillon. Je veux la poupée, version intégrale de Nicole Kidman. Dans le film, à un moment précis, là, pas avant que la chirurgie passe, là. Pendant la période du film de Stanley Kubrick. Ouais. Hein? Les yeux grands fermés. En anglais, c'est. OK. Mon anglais est incroyable. En Angleterre, là, on ne me fait jamais répéter. À New York, on dit pardon! Ouais, mais c'est pas des Anglais, dis-tu pardon? Pardon! Non, c'est Birdie. Birdie! Bon. Oui, oui, oui, monsieur. Alors, je demande la réplique au couteau. S'il vous plaît, je terminerai, moi, là. On le sait, nous autres, là, quand on mange du sirop d'érable, on termine ça au couteau. On se la met sous la langue. Ah, que c'est bon. Ouais, du bon sirop d'érable. Mais là, c'est pas le moment, c'est Nicole Kidman. Oui, oui. Coupé au couteau, comme dans le film Les yeux grands fermés. Et grandeur nature, cheveux véritables. Si vous pouvez prendre à même la tête de Mme Kidman, ben je vous ai les cheveux à même la tête, pas couper la tête de Mme... voyons, elle est trop belle. Ben, elle était belle. Elle était belle. Elle était si belle que je m'y suis noyé. Oui, OK. Alors, pouvez-vous me faire ça avant Noël? Ben, pendant à l'occasion de Noël? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, il n'a rien compris. Avez-vous pris ça en note, vous, là? Oui, oui, Nicole. Il n'y a pas de crayon. Avez-vous une oreille attentive? Oui, allô? Oui. Ah, il comprend. Êtes-vous bouchonné? Oui, allô? On ne l'aura pas. J'aurais jamais ça, moi, là, pendant la période. Ah ouais, débouche-moi ça une autre. Enlève le bouchon. Hey, de la bière tablette. Ah. C'est plus facile à le gérer, mais quand t'as de la difficulté à le gérer, ta bière t'arrête d'en voir. Hein? C'est comme un prérequis, là. Ça vient tout seul. Hein? C'est comme ton verre d'eau, là. Quand tu peux plus en rentrer. Aucune gouttelette. Aucun millilitre. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends? Ben, tu attends. Ou t'arrêtes dans... Hein? Oui, ça peut être une bonne idée. Une très bonne idée. La phrase de Bukowski, le titre, c'était « L'araignée ». L'araignée, ben l'araignée, là, la Et là, tu veux me dire que l'araignée fait... Ben chez nous, ça fait ça. Êtes-vous fâché, monsieur? Oui, allô? Oui. Ça va bien, vous? Oui, allô? Attachez-le. Tu m'as fait danser sur du verre pilé, tu m'as fait croire un amour cinglé. Moi j'étais fou de ta pâleur nocturne et de ta soif à me lécher les burnes. T'as mis mon cœur à brûler sur ton grill, t'as mis mon âme à sécher sur ton fil. Et moi je n'étais qu'un vieux saltimbanque, un clochard en smoking et toujours en manque. Quel âge as-tu petite, dis-moi quel âge. On sera dissident, dis-moi quel âge auras-tu petite, dis-moi quel âge, quand j'aurai 2000 ans, dis-moi quel âge. Il est trop tard pour marquer l'horizon d'une flèche illisible et sans dérision. Tu joues les Barbie, tu joues les bimbo, tu joues à te perdre dans ton ego. Il est trop tôt pour décalquer ma peau sur ton tambour en faisant des saltos. Je m'écorche en dansant sous les regards de tes crapauds crapuleux et blafards. Quel âge auras-tu petite, dis-moi quel âge. Quand on sera dissident, dis-moi quel âge. Quel âge auras-tu petite, dis-moi quel âge. J'aurai 2000 ans, dis-moi quel âge. J'ai tenté de m'abrutir dans la musique, l'alcool, le sexe et les barbituriques. J'ai tout fait pour nullifier mes espoirs, dès le petit matin j'attends le soir. Déjà petit dans les cours de récré, quand on parlait de nos futures années. Moi je disais que je connaissais mon sort. Quand je serai grand, moi je veux être mort. Quel âge as-tu petite, dis-moi quel âge. Quand on sera dissident, dis-moi quel âge. Quel âge as-tu petite, dis-moi quel âge. tend vers moi une dernière fois, le temps d'un cunnilingus et d'une gueule de bois. Le temps d'un Dust My Broom ou d'un Johnny Guitar, le temps d'un Jack Daniel, c'est d'un bon vieux pétard. Elle revient encore vers moi, ma douce beauté, l'avenir est en route vers le passé. Ton string n'est plus qu'une boule de nylon et je te tends ma bouteille de bourbon. Quel âge auras-tu, petite? Dis-moi quel âge. Quand on sera dissident, dis-moi quel âge. Quel âge auras-tu, petite? Dis-moi quel âge. Quand j'aurai 2000 ans, dis-moi quel âge. Je sais lesquels ce ne serait pas. Ok. Bah, je sais que ce ne serait pas non plus Bruxelles à cause des impôts. Ok. La Suisse peut-être. Une ville où j'aimerais vivre. Ça ne serait plus Paris, hélas. Pourquoi? C'est trop agité, trop nerveux, trop stressé, trop agressif. Le beau Paris que j'ai connu quand je suis arrivé encore à Paris, celui-là, il est bouffé par tout ce stress. Qu'est-ce que ce serait? Peut-être. Ça ne serait pas une grande ville. Oula, aujourd'hui. Si ce n'était pas New York. Ok, qui est une ville assez mouvementée ici. Mouvementée, mais peut-être plus civilisée à sa façon. Okay. C'est quand même la ville dont Woody Allen ne peut pas se passer. Manhattan. C'est un signe. Manhattan? Oui. Ça pourrait être alors peut-être une ville du sud-ouest, peut-être Biarritz, quelque chose. Ah oui, comme ça. Ah oui, la Corse. Oui, c'est à une demi-heure de chez moi. Ah, c'est super. Ben, le soleil est toujours au rendez-vous. Non. Et non, pas à Biarritz. Ah non, je crois. Monde ouest. OK. Lui. OK. Ben, mon Dieu, ça ressemble un peu à Brest. Mais douceur du climat, il y a des palmiers. Okay. Chez moi, dans certains coins de la vallée un peu encaissés, il y a encore des palmiers. Ah oui? Des palmiers. Ah, mais c'est merveilleux. Si vous étiez une langue. Si j'étais une langue, ce serait l'italien. Pour faire tomber les dames, pour... Non, parce que... E tanto musicale, okay. Mi piace tanto l'italiano. Quando un italiano parla, sembra che canta. C'est très enchanteur l'italien. D'ailleurs, c'était drôle, il y avait un humoriste italien qui avait un truc, il le disait en italien, c'était encore plus marrant. Il disait, nous autres, quand on veut faire la cour à une femme, on dit, je voudrais dormir avec toi. Noi diciamo, nous disons, dormire, vorrei dormire con te. In tedesco, en allemand. On est schlafen. Oui, c'est ça, il y a comme une différence, il y a un réveil soudain. Si vous étiez. Si vous étiez une époque. Si j'étais une époque, ça ne serait pas la nôtre. Et comment ça se passait? J'ai toujours tendance à dire l'Antiquité, mais à condition d'être un antique. Si vous étiez esclave à Athènes, ouais, ça ne devait pas être facile non plus. Alors, si vous voulez, étant un bourgeois de Pompéi avant l'éruption. Si vous êtes, oui, si vous étiez un mot. Un mot, amour. Amour, oui. Dans toute l'acception du terme. C'est vrai. Pas seulement érotique. Si vous étiez un aliment. Je serais le foie gras rien que pour emmerder les Californiens. Ah oui, oui, c'est tellement bon. Mais oui, mais on plaint cette pauvre voix, la pauvre. Ah oui, mais là... Mais le petit agneau qui oui. fait bébé, qui tête encore sa mère, on le prend, on le gorge c'est pour vrai. Qu'on bouffe les côtelettes. C'est pas mieux. Si vous étiez une saison. Le printemps. Pour la renaissance, on renaît et on repart. Par exemple. Ouais, comme la chanson de François, ça revient. La, la, ça s'en va et ça revient. Ouais, ça s'en va. Bon, t'es-t-il ou t'es-t-tout? C'est du sacré tout, venu de je ne sais où. Où t'es tombé, qu'est tout pour tatou? Reste ma toux qui me suit partout. Alors qualité par toutes les facultés. T'étais hanté et même entêté. D'opter pour le thé que pourtant je détestais. Déteste, j'en ai fait, oui fait. Pour me trouver des bien-aimés. De Chine ou d'ailleurs. Un thé qui ferait comme une fleur mon bonheur. J'ai joué le thé pour le tout. Et t'es hanté, tu t'es dégoté. Un petit thé, que pour toi le thé d'été. Depuis que mon thé, au tamatou, c'est un sacré tout venu de je ne sais où. Sais-tu maintenant qu'on dit à Moscou que le thé c'est lent, c'est le plus rapide pour la toux. Si un seul thé, au tamatou, parmi tous ces thés étiquetés que j'ai goûté, sous tous ces thés, je sais plus où t'étais. Tu me délaissais car t'étais tout à tété. T'es doux pour moi, c'est vrai. Moi après moi, je t'ai soigné et j'ai respecté. Nos bontés maternent tout. Depuis cet été, on est heureux, on a tout. Depuis qu'on s'est époussoté. Moi je t'ai. Moi je t'ai. Si t'as tété, si t'as tété. Toi tu m'as. Comme d'une révolution. comme d'une révolution. Comme le mentionnait Jim Morrison. Comme un rêve d'évolution, comme une dévolution. Révolution, révolution. Mais ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison. Tout rêve d'évolution. Oui, monsieur, vous êtes encore... oui? Oui. T'es encore là? C'est incapable, hein? Non, c'est un incapable. Vous êtes un incapable, monsieur Willow? Willow. OK. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, et c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est pas n'importe qui a dit ça, là. C'est qui, c'est? Willow. C'est monsieur Willow. Hey, bon dia. Donc, cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, placons en garde à vue, je cherchais, moi, là. Je cherchais le... C'est ça. Et j'ai trouvé monsieur... Il me semble heureux, lui, le... Alors, plaçons en garde à vue le veau. Le veau et la brebis. Le veau se trouvait fort beau lorsque la brebis lui dit merci. Mais le veau, lui, un peu cérébro-vasculairement atteint, lui cherchait enfin ce refrain. Quand vous marcherez, d'où le poulet... Non, c'est pas une poulette, c'est un veau. D'où se vauche, vauche, biche, vache, vauche, biche, vache, cochon. Piti, pouti, piti. Oui. Alors donc, le mot, les gens n'ont pas suivi, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ben oui, ils savent. Bon, je vais choisir... Il y a un mot ici qui va m'arriver en plein iris. À travers la lunette. Et je vais tenter... avec beaucoup de difficultés, d'improviser avec ce mot qui est « hostel ». Et là, je tiens à raconter un peu qu'est-ce qu'un hostel comparativement à un hôtel ou un motel. Un hostel, c'est une auberge de jeunesse. Endroit où nous, voyageurs, allons utiliser afin de roupiller quelques heures avant de repartir vers le pays que nous avons choisi de visiter. Par exemple, for example, puisqu'on parle de la France, il faut traduire en anglais, hein? C'est la mode. Et à chaque fois que je vais dans des auberges de jeunesse, là, c'est incroyable. Pas de francophones là. Très, très rare. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un Québécois. Il était perdu. Il dit, « Hein? Où suis-je? Où vais-je? Casterge? Couscourge? » Y a-tu quelqu'un? Ben oui, il y a moi. Qui êtes-vous, monsieur? Ben, je suis Rénal. Réal. C'est Réal. Il était parti. Un vrai Québécois. Il est parti, là. Il se promenait partout. Il léchait les murs. Voyons là. Calme-toi, là, dans ton hostel. H-O-S-T-E-L. Pourquoi on a choisi les H.O.? Mets du ventilateur là-dedans, moi, là. Oh, mets du madame, ventilez-moi ça. Pourquoi on choisit un H.O.S.E.L.? Pour économiser de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent économisé? On va visiter puis boire, boire puis visiter, visiter, manger, manger et boire. On va avoir du plaisir. Comme un buffet, on va avoir du plaisir à volonté. On veut pas se restreindre, compter notre petit argent, là. Hey, on n'est pas au okay, hein? On n'est pas dans notre pays, là. Hey, on déploie des dollars. Là. Ben, c'est vrai, c'est des euros. On déploie des euros. On n'est pas rainé. On déplie. Les artistes arrivent, on déplie. Quelques rares d'entre eux m'ont offert à boire et à manger. Ont vu le colporteur que j'étais, les rares Rénaldiens que j'étais. Et lorsque... Oui, monsieur, vous avez suivi le... OK, savez-vous la différence entre un hôtel, un hostel et un motel? Oui, hello? OK, oui. Ils n'ont rien compris. Mais c'est pas important. Mon public a compris. Mon public saisit. Toi. Pas lui à côté, là. Toi. C'est à toi que je m'adresse. Pas à personne d'autre. Tu es mon ami, je te reste mon ami. Écris-moi, renaldquebec@commercial.com. Renald, RAYNALDQUEBEC @commercial.com. Écris-moi mon ami. Et dans objet, là, dans sujet, écris mon ami. Et je te répondrai par mes doigts et par le clavier, mon ami. Je suis capable. Et dans mon hostel de 4 personnes, j'étais devant mon clavier. Et j'envoyais les photos que j'avais prises de mes artistes préférés. J'en ai oublié, je le sais, les gens vont dire, ouais, mais Burgala, ben ouais, je l'ai pas pris, Burgala. Là, ils vont me dire, oui, mais la belle Rachel Moineau, je l'ai pas pris, j'étais subjugué par autant de beauté. Moi, là, j'étais pas capable, j'ai oublié. J'ai essayé de poser mes 10 questions, là. Si vous étiez un liquide, je serais des postillons. Pourquoi? Que les gens fassent « Arrête! » Juste pour les emmerder, là. Hein? Tu te fais postillonner dessus, là. Ça dépend par qui, là. Moi, par vous, ça me dérange pas, là. Par lui, oui, là. Mais par toi, pas du tout. Ah, oh, vas-y. Bon, j'aime ça. Continue. Bon. Mais ça, sur le clavier, ça va péter. C'est une console électrique. Ça fonctionne à l'électricité, là. Là, c'est pour ça qu'à chaque émission, on fait pédaler quelqu'un. Pour pas utiliser l'électricité, sinon on va prendre en feu. On va friser le ridicule et c'est déjà fait depuis 7 ans et demi, depuis que l'émission existe. Ça fait combien d'années? 25 ans? 42 ans? 72 ans que l'émission existe. Même si c'est cohérent, les noms 60 ans? 73, 74, 74, 74, 74, cette année-là. Cette année-là. Allons-nous placer le mot hostels dans le château symbolique de la francophonie? Non! We'll be right back. Un moment de la journée. Ah non, si vous étiez un membre corporel. Un membre? Oui. Mon Dieu. On est diffusé à minuit, donc allez-y. Sentez-vous à l'aise. Si j'étais un membre... corporel. Ben, il y en a deux sur les membres. OK. Les bras, je veux dire. Bon, oui, oui, ben oui. Ben sur oui. Les bras, je veux deux. Je n'ai pour deux. Marcher. C'était, voilà. Oui, c'est pas ça. Pas du tout ce que vous avez eu tendance à penser en premier temps. Non, jamais. Ça serait les bras pour embrasser. Oui, ah, c'est bien. C'est bien pour... Mais c'est pas un, c'est deux. Oui, deux. Parce que, ben deux, c'est mieux. Comme parce dit. Qu'embrasser avec un bras, c'est un peu plus acrobatique. Mais on doit s'y faire. On se fait tout dans la vie. Hein. Si vous étiez un moment de la journée. Le petit matin, où tous les espoirs sont permis. 4h30? Et où tout reste à faire. Ah non, non, ça va pas, non? OK. Le petit matin, allez, va à 7h. OK, OK. Alors tant mieux si on est matinal. Par exemple, dans ma montagne, là, il m'arrive, quand je suis à moitié réveillé, de me lever, parce qu'on est à la maison de ma mère est à 1200 mètres d'altitude. Quand même. OK. Alors, de me lever pour arriver à le lever du soleil, derrière la montagne qui nous fait face, c'est un spectacle. On commence par voir toutes les couleurs qui viennent en avant-garde du petit bout de disque de soleil qui apparaît peu à peu. C'est magnifique. C'est de la magie, hein? C'est beau, la vie. Ça peut être aussi le crépuscule, pour les mêmes raisons. Ouais. De lumière. Allez, appelons la divine. La divine. Et n'en parlons plus. Oui, si vous étiez un moment... Non, si vous étiez un autre individu. qui j'aimerais être. Oui. Surtout pas Napoléon. OK, oui, à cause du bras, bien sûr. Qui j'aimerais être? Ah, j'aimerais avoir la sagesse, la compassion et la gaieté du Dalai Lama. Ah oui, oui. Ouais. Mais ça, je suis loin du puis corps. Vous n'avez pas les vêtements encore, donc... Non. ça doit venir avec le personnage. Ou alors des gens remplis d'amour. Oui. Croyez-vous que c'est ce qui manque aujourd'hui en 2012, l'amour? Oui, on est... La compassion? Elle existe bien. Par exemple, je vois pendant la guerre, c'est là où on se rend compte que les bons et les mauvais sentiments sont exacerbés. Mon père et ma mère, personne ne leur avait rien demandé. C'est devenu quand même... On se faisait fusiller pour moins que ça. Ils ont hébergé chez eux des gens qui persécutaient, des juifs notamment. Bon, je ne suis pas juif du tout. Non, non. Ça s'appelle Miramont. Ça n'a rien. Non, oui. Et parce qu'ils trouvaient que quand même des gens qui étaient comme ça, si persécutés, si malheureux, qui avaient tout laissé, qui ne savaient pas s'ils survivraient demain, eh bien mes parents, ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils me disent, monsieur, vous êtes juif, avec votre étoile jaune, venez à la maison. Non, c'était mon oncle de Paris. Il y avait un petit réseau. Quoi. Ouais. Voilà, c'est des gens comme ça. C'est là où ça se révèle. Il y en a d'autres qui regardaient ailleurs, quand même. Mm-hmm. C'est ça. M'en allant sur mon chemin, mon baluchon à la main. M'en allant sur mon chemin, mon baluchon à la main. Moi qui n'ai que cheminot, qui n'a que tercéléo, mon baluchon dans des tableaux. Mais ça me réveille au cœur, quand je me perds pour mes limelots dans des rêveries de mes galops, comme de rapporter le gros lot, de me payer trop ce qu'il me faut. Moi, tant que je mets vieille godasse, et puis que mes pieds me déplacent, il se trouve que j'ai tout ce qu'il me faut. Et ce n'est pas un fardeau, car je traîne sur mon dos. M'en allant sur mon chemin, mon baluchon à la main. Je me rencontre une belle sortie de compte. On aurait dû une vraie presse assez encore nue. Une vraie déa que lui ait demandé sa main pour lui faire traverser mon chemin. Mais c'était pas une fille à marier. Ça se trouvait que c'était une fille. Puis elle a dit, mon vagabond, là, tu peux peut-être ton baluchon. Qu'est-ce que tu as toujours rêvé? Moi, je vais te l'exaucer. Dans le même pas te le donner. Je lui ai dit, ma jolie fée, tout ce que je veux, je me l'ai donné. Jolie fée, mon seul souhait c'est de le garder. Mon baluchon dans des tables, mais ça me réveille au catacombe. Car me perd pas mes limelots dans des rêveries de mes galons. Comme de rapporter le gros lot, de payer trop ce qu'il me faut. Moi tant que j'ai mes vieilles godasses et puis que mes pieds me déplacent, il se trouve que j'ai tout ce qu'il me faut. Et ce n'est pas un fardeau, car je le traîne sur mon dos. Upon a time, there was a well-dressed man named Sam Slick'em Slack'em who lived in the world of Wick'em Wack'em. Now, Sam Slick'em Slack'em had a big black cat named Tom Tick'em Tack'em, and Tom Tick'em Tack'em lived in the world of Wick'em Wack'em. Well, Sam Slick'em Slack'em married a tiny, whiny wife named Mary Meek'em Mack'em Slack'em. And Mary Meek'em Mack'em Slack'em lived in the world of Wick'em Wack'em with her husband Sam Slick'em Slack'em and his big black cat Tom Tick'em Tack'em. Now, Mary Meekum Mackum Slackum owned a smiling, speckled cow named Lulu Lickum Lackum. And Lulu Lickum Lackum lived in the world of Wickum Wackum. Well, Sam Sickum Slackum and his tiny, whiny wife, Mary Meekum Mackum Slackum, had two teeny-weeny twins named Look-Like-Em and Think-Like-Em Slackum. And Look-A-Like-Em and Think-Like-Em Slackum lived in the world of Wickum Wackum with their father, Sam Slickum Slackum, and their mother, Mary Meekum Mackum Slackum, and their father's big black cat, Tom Tickum Tackum, and their mother's smiling speckled cow, Lulu Lickum Lackum. Now. Figaro la Figaro aussi, le seul coiffeur de notre ville, n'était jamais, jamais tranquille. Figaro la Figaro aussi, dès le matin il était là, pour s'occuper de son négoce, de ses ciseaux et de ses brosses. Figaro aussi, Figaro là, il parfumait, il manucurait, des tas de gens pressés, oh combien pressés. Et même il tondait, quand il le fallait, les chiens du quartier, ouais, il les tondait. Figaro là, Figaro aussi, chacun lui chantait ses louanges, les dames disaient de lui quel ange, sans savoir qu'avec tant de boulot, leur Figaro devenait dingo. Oui, un triste jour, quelle infortune, une, oui, alors qu'il était dans la lune, une, le surmenage lui fit perdre la tête, il tendit les bouclettes d'un vieux chien vagabond, en plein cirage, il tendit la soubrette, et à la sous-préfète, il rasa le menton. Figaro la Figaro aussi, à cause de cette erreur tragique, dû s'exiler pour l'Amérique, avec sa trousse et ses soucis. Et pour payer sur le bateau son voyage en quatrième classe, il doit couper toutes les tignasses du capitaine au matelot. Quel sale turbin, la peau du marin, ça sent le mazout. Ouais, le mazout. Du soir au matin, pour gagner son pain, il les rase toutes. En débarquant, il inventa des cheveux bouclés pour messieurs chauves, en teinte rose et teinte mauve. Et grâce à ce petit truc peinard, il gagna des millions de dollars. Oui, mais hélas, encore la poisse. Au poker d'as, il but la tasse. Et maintenant, il est scalpeur chez les Incas. Et à choisir, mon cher monsieur Hamon, est-ce que vous feriez le même chemin? Je ne mettrai pas exactement mes pas dans les mêmes pas, parce que j'ai accumulé un certain nombre de conneries. Okay. Certaines de mes erreurs de cap, de mauvais cap, etc. Si j'avais été dans les circonstances, étant donné ma conviction d'homme de scène, je les aurais refaites. Mais sachant qu'arrivé à un âge avancé, j'aurais continué à faire ce métier, j'aurais été moins systématiquement sectaire quant à la nature de mon répertoire. J'aurais accepté quelques chansons que j'ai entendues chanter par d'autres, je ne les ai pas prises, j'ai eu tort. Des choses comme ça, oui. Parce que quand même, après, quand on ne vous entend plus, quand on ne vous voit pas, parce que vous n'avez plus de tubes, quand vous n'allez plus au Québec, parce qu'il n'y a plus de disques qui intéressent les gens, et qu'on ne sait pas que vous êtes quelqu'un qui tient toujours le coup sur scène, c'est quelque chose qui peut... Mais, comme on dit souvent, on a bien raison de le dire, à quoi sert d'avoir des regrets? Ça ne sert... Si les regrets me faisaient avancer d'un millimètre, je me répandrais en regrets. Systématique. Est-ce que vous trouvez, et on peut se quitter là-dessus, est-ce que vous trouvez que la vieillesse est difficile? Est-ce que vous trouvez que les gens plus âgés sont moins appréciés, valorisés aujourd'hui, en 2012? Alors, sur la vieillesse, elle peut mal tourner. Je connais des tas de vieux désagréables qui n'ont rien appris. Ou malades, ou c'est l'Alzheimer et toutes ces maladies. Est-ce que ça ne serait pas ça? Et je connais des gens qui s'efforcent. C'est un effort de tout le temps. Je ne me mets pas dans le paquet. Je parle d'une façon générale. Des gens quand même qui essaient de s'améliorer, de devenir meilleurs au fur et à mesure que les années passent. Maintenant, dans nos civilisations occidentales, mais qui sont très variés, parce que justement, chez mon papa et ma maman, c'était orphelin, mon père comme ma mère. Ma mère a 6 ans, mon père a 7 ans. Mes grands-mères ont vécu très âgées, à 84 ans, à 85 ans. Mais c'est pas qu'on les vénère, mais on s'en occupait. On les laissait pas comme ça a été le cas. Quelle honte! Honte aux Français! Ils ont laissé crever 15 000 vieux pendant la canicule. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce pays où on ne va pas avoir Pépé et Mémé à côté pour savoir s'il n'a pas besoin d'un peu d'eau? On le laisse crever chez lui de soif. C'est honteux. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des civilisations. Les civilisations maghrébines, par exemple. En Afrique. Oui. Au Japon, on laisse pas crever. Et ça, bon, moi je suis en pleine forme. En Italie aussi, on vit en famille. Oui. J'en parle à l'aise. Puisque moi, je suis toujours debout, je suis en pleine forme, ça va. Je ne me mets donc pas dans le paquet des gens qui récriminent. Je ne parle pas pour ma paroisse. Je dis que ça, c'est quand même une honte pour mes compatriotes et pour la société dans laquelle on vit. C'est quelque chose que je ne digère pas. Vous avez raison de me poser ça. Ça m'a permis de me mettre un peu en colère. Mais écoutez, vous avez raison. C'est la même chose au Québec. On les amène dans des maisons où ils vivent ensemble. Et on les oublie. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ma femme là, s'occupe d'une vieille dame qui a été merveilleuse avec elle. C'était son chef de service. Parce qu'avant de se marier, ma femme était chef de service à la Fédération nationale du bâtiment. Elle avait une supérieure, une dame très digne. Et elle a gardé le souvenir de cette dame et elles ont gardé des contacts. Cette dame a 90 ans, sa fille qui habite Nice ne vient jamais la voir. C'est incroyable. Crève salope. Non, mais c'est vrai. C'est honteux. C'est incroyable. C'est honteux, il faut que ce soit ma femme, pour qu'elle voit un peu quelqu'un. Mais c'est courant, hein. Oui, et c'est dommage, hein. Nos personnes âgées, on a dommage, c'est répugnant. Oui, c'est vrai, c'est un... Vous n'avez pas de questions plus sympathiques pour finir sur un sujet? Oui, écoutez, c'est peut-être grâce à ce concert-là que vous allez donner, ces concerts-là, ces spectacles-là, que vous allez montrer au Québec que vous êtes encore présent écoutez, et CKRL est là pour vous diffuser, mon cher monsieur. Ben, écoutez, moi, c'est pas que je quémande, parce que je ne cesse pas de travailler. Non. Je m'en réjouis. Sunday, Lord. Pulls out a pistol, said Lily Nanny, baby, it's the end of your line. You know the shots rang clear. But no one will ever be here. Long they died that night in Lily's daddy's Cadillac. Ow! Yeah! Come on, church time! Je te crois là derrière moi, la nuit brouillée d'éclairs. Quand je te sens, quand je t'apprends, la nuit bébé s'éclaire. Quand tu voudras, en attendant la fin des pluies, partir au paradis. Le torse nu, les bras en croix, et mourir de plaisir comme tu voudras. Adieu, ma belle Lise. Now, Red Solo Cup is the best receptacle for barbecues, tailgates, fairs, and festivals. And you, sir, do not have a pair of testicles if you prefer drinking from glass. Hey, Red Solo Cup is cheap and disposable. In 14 years, they are decomposable. And unlike my home, they are not foreclosable. Freddie Mac can kiss my ass. Woo! Red Solo Cup, I fill you up. Let's have a party. Let's have a party. I love you, Red Solo Cup. I lift you up. Proceed to party. Proceed to party. Now, I really love how you're easy to stack, but I really hate how you're easy to crack. 'Cause when beer runs down in front of my back, well, that, my friends, is quite yucky. But I have to admit that the ladies get smitten, admiring how sharply my first name is written on you with a Sharpie when I get to hitting on them to help me get lucky. Red Solo Cup, I fill you up. Let's have a party. Let's have a party. I love you, Red Solo Cup. I lift you up. Proceed to party. Proceed to party. Now I've seen you in blue and I've seen you in yellow, but only you, Red, will do for this fella. 'Cause you are the Abbott into my Costello, and you are the fruit to my loom. Red Solo Cup, you're more than just plastic. You're more than amazing, you're more than fantastic. And believe me that I'm not the least bit sarcastic when I look at you and say, Red Solo Cup, you're not just a cup. No, no, no. God, no. You're my friend. Friend. Yeah. Friend. Lifelong. Thank you for being my friend. Red Solo Cup, I fill you up. Let's have a party. Let's have a party. I love you, Red Solo Cup. I lift you up. Proceed to party. Proceed to party. Woo! Red Solo Cup. Red Solo. Mais c'est vrai que ça... Je veux pas vous jouer du violon. Non, j'ai pleuré, je suis très sensible. Mais ça me manque de pas aller jouer. Je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais dans les pays francophones. Ça fait 7 fois que je vais au Japon et depuis 30 ans, je vais plus au Québec. Québécois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et appel voilà. Au peuple. Je vous ai compris. Exactement. Général de Gaulle. Vive le... Allez-y. Ah, mais on a le droit? Oui, allez-y, on va oui. pas se faire gueuler. Non, non, non, peu importe. Allez-y. Pour immixtion dans les affaires intérieures. Allez-y, pays, allez-y. Pays souverain. Vive le Québec libre! Et voilà. Monsieur Hamon, merci. Alors là, tous les anglophones du Québec vont me faire une gueule. Non, non, mais ils nous écoutent pas, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Les deux, on appelle ça au Québec, mon cher monsieur, les deux solitudes. Le Québec francophone et les Canadiens anglophones. C'est pour vraiment, ça que nous sommes Québécois et non pas Canadiens. Ben, vous avez raison de vous défendre, mais c'est en même temps beau d'arriver à coexister aussi. C'est pas mal. Il faudrait avant se séparer, après on verra. Donc mais on travaille sur la séparation. Bien des amis québécois, Dieu sait si j'en manque pas, m'ont bien raconté que pendant longtemps, ils étaient méprisés. Hein. Oui, ils encore aujourd'hui. Ils ont boutiques pendant d'un boutique de Montréal. Montréal. Demandant quelque chose en français, on se faisait vertement remettre en place. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. 2012, encore aujourd'hui. Ah là, ça c'est pareil. Ça me met très en colère. Moi, j'habite à Québec, donc c'est tout à fait francophone, Québec. Oui, oui. 95% de francophones. Il ne faut pas en faire le Saint-Sacrement de nos langues. Mais il faut les. Il faut qu'elles soient respectées. En Amérique, oui, monsieur. Il faut qu'elles soient respectées. Oui. Nous sommes des francophones en Amérique, donc c'est. Et vous savez, là encore une fois, moi. Dieu sait si mes compatriotes parfois me gonflent, hein, me gonflent, mes compatriotes béarnais, dont souvent je ne manque pas de leur dire que je pense qu'ils sont comme les autres et pas mieux que les autres, ni plus mal non plus. Bon, on m'a dit un jour, vous êtes des journalistes, on est content parce que vous êtes fiers d'être béarnais. Je leur dis, je ne suis pas fier d'être béarnais. Voilà. J'ai dit, mais attendez, mais pas honteux non plus. En revanche, cette culture, je la défendrai bec et ongle jusqu'à la fin du jour. Et j'écris, je parle, j'ai publié un bouquin de chansons traditionnelles, commenter, illustrer, etc. Parce que c'est quelque chose qui disparaît et il ne faut pas que ça disparaisse. Non. Alors après, si mes enfants veulent que ça disparaisse, c'est leur problème. Moi, de mon vivant, je compte. J'ai eu des prix. C'est des combats. J'ai eu le prix cette année, le prix de Panache. Oui. Oui, pour mon action. Humanitaire. Non. Mon action modeste en faveur de la langue béarnaise. Et voilà. Oui. Et je suis très heureux de vous avoir rencontré à Paris. Et surtout, à quel endroit nous sommes? Non, pas dans un bar. Bien, non, on est dans une limousine. Une limousine, oui. D'ailleurs, vous voulez un whisky? Oui, écoutez, j'en ai déjà pris deux. Je fais sortir les danseuses. Oui, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Et le champagne coulera à flot. Voilà, vous servez le champagne à M. Gagné. Monsieur Hamon, merci. C'était extraordinaire. Vous êtes merveilleux. On se retrouvera à Québec pour un spectacle. Ben ça me plairait. Et nous allons prendre la photo, bien sûr. Non, mais écoutez, moi, c'est pas mieux. Écoutez, c'est pas grave. On y va? Allez, vamos. On y va, OK. On regarde. Oh, voilà. La tête un peu moins. Voilà. Dernière. Merci. Mais vous êtes lourdement chargé. Je vais vous déposer au bout de votre lit. Non. Allez, il n'y a pas de problème. C'est juste ici à côté. Mais attendez, vous êtes assez lourd, non? Non, c'est absolument rien. Ça, c'est... Mais je vais quand même vous avancer un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, ben la rue Vavin est là. Oui, c'est ça. Alors, écoutez, je continue mon chemin. Et je vous remercie infiniment d'avoir pris ce coin de bar merveilleux. On a bien fait parce qu'on ne s'est pas rafraîchi. Mais vous avez eu le problème de stationnement. Oui, ben c'est ça. Oui, c'est quoi ça? C'est incroyable. Ouvert et vive Marcel Hamon que voici. Le voilà avec sa première chanson. Ah, comme Marcel Hamon. Et c'est comme chaise. Vous avez oublié ma chaise. Juste une petite seconde, je vais te l'emporter. Ben voilà. Monsieur Lecas, 1, 2, 3, 4. Nous avions tous deux un rendez-vous amoureux mercredi à 8h dans ma demeure. Où il y avait, sur une nappe blanche brodée, il y avait du caviar sur les toasts beurrés. Il y avait du pain vidé hors d'œuvre varié. Il y avait un faisan rôti sur canapé. Il y avait un magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés. Il y avait des liqueurs et puis du café, du Brésil. Le temps a passé, quand minuit a sonné, j'avais si faim, vraiment que bêtement. Attablé, seul devant ta place inoccupée, j'ai mangé le caviar sur les toasts beurrés, j'ai mangé le pain blizzard de l'œuvre parfumée, j'ai mangé le faisan rôti sur canapé, j'ai vidé le McDonald's de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, j'ai mangé le fromage, les fruits, les sablés, arrosé par les liqueurs et le café du Brésil. Te trompant de jour le lendemain, mon amour, quand tu vins à 9h dans ma demeure, il restait sur une nappe blanche tachée, il restait les reliefs d'un repas consommé, le caviar, les hors-d'œuvre s'étaient envolés, le faisan n'était qu'un petit ados rongé, le macnum avait un air de fête passée, les bougies étaient tordues et consumées. Sur la table, il restait quelques miettes de sablé, les liqueurs et le café qui était glacé, du Brésil. Nous n'avions plus rien et pour calmer notre faim, nous avons décidé de nous aimer. Ouh ! Sur la table, de nous aimer. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.